Chapitre 18e. Ces mots du docteur Dufour, je viens vous parler de Frédéric, étaient d'un si étrange à propos que Marie, sans trouver une parole, regarda le médecin avec une profonde surprise. Il s'en aperçut et reprit. « Oui, madame, je viens vous parler de votre fils. Et à quel sujet ?»« Au sujet du changement moral et physique que vous remarquez en lui et qui vous donne de si cruelles inquiétudes. »« Oh oui. » Bien cruel. Il s'agirait de le guérir, peut-être. Vous, mon bon docteur? Moi, non. Que voulez-vous dire? Après un moment de silence, le docteur tira une lettre de sa poche et la remettant à Madame Bastien. Ayez d'abord la bonté de lire cette lettre que j'ai reçue ce soir. Cette lettre, de qui est-elle? Veuillez la lire. Marie, de plus en plus étonnée, prit la lettre et lut ce qui suit. Mon cher Pierre, la diligence s'arrête durant une heure. Je profite de cette occasion pour t'écrire en hâte. Après t'avoir quitté hier soir, le sujet de notre dernier entretien a occupé toute ma pensée. J'y comptais. Ce que j'ai vu, ce que j'ai appris par ton récit, ne pouvait faire sur moi une impression éphémère. Cette nuit, ce matin encore, je n'ai donc songé qu'au pauvre enfant de Madame Bastien. Marie, interrompant sa lecture, regarda le docteur avec un étonnement extrême et lui dit vivement « De qui est donc cette lettre ?»« De mon meilleur ami. » »« D'un homme du caractère le plus généreux, du cœur le plus noble qu'il y ait au monde. » »« Le titre de votre meilleur ami disait tout cela pour moi, mais comment donc sait-il ? » »« Vous rappelez-vous, le jour de la Saint-Hubert chez moi, cet étranger ?»« À qui mon fils a répondu si durement ?»« Oui. » »« Et vous avez dit à cette personne ?» Tout ce qu'il y avait d'admirable dans votre dévouement maternel. Oui, j'ai commis cette indiscrétion, je m'en accuse. Veuillez, je vous en prie, continue la lecture de cette lettre. Marie continua et relut ces mots avec une attention marquée. Cette nuit, ce matin encore, je n'ai donc songé qu'au pauvre enfant de Madame Bastien. Tu le sais, Pierre, physionomiste exercé par de nombreuses observations, j'ai été rarement trompé par les inductions caractéristiques que je tirais de certaines physionomies. Aussi, en réfléchissant à mes remarques d'hier, à ce que j'ai vu, à ce qui est arrivé lors du passage de ce cortège de chasse, tout me donne la conviction que le fils de Madame Bastien est possédé d'une haine implacable contre le jeune marquis de Pontbriand. Marie, stupéfaite de la vérité de cette observation, que la scène de la forêt venait encore confirmer, tressaillit. À ce souvenir qui réveilla ses terreurs et cachant sa figure entre ses mains, elle ne put retenir un sanglot déchirant. « Mon Dieu, qu'avez-vous ? » s'écria le docteur. « Ah, cela n'est que trop vrai. » « C'est de la haine que ressent Frédéric. » « Oui, » reprit Marie du doigt étouffé, « une haine implacable. » Puis, frappée de la pénétration de l'ami du docteur Dufour, Madame Bastien continua de lire avec un intérêt croissant. Cette haine admise, je n'ai pas cherché à en découvrir la cause. Pour y parvenir, il faudrait être journellement avec ce pauvre enfant. Alors, à force de patience, d'études, de sagacité, l'on saurait sans doute ce secret, découverte indispensable à la guérison de Frédéric. À défaut de ce secret, je me suis demandé si cette haine devait être vivace, opiniâtre, et avoir ainsi fatalement de dangereuses conséquences, ou bien si ce n'était qu'un sentiment passager. Un examen attentif de la physionomie de Frédéric dont j'ai conservé le souvenir le plus précis, l'angle de son front, le contour de son menton, me donne la conviction qu'il n'est pas de caractère plus résolu, plus tenace que celui du fils de Madame Bastien. Cette conviction bien établie qu'une haine implacable est déjà profondément enracinée dans le cœur de Frédéric, je me suis demandé d'abord par quelle apparente contradiction, élevée par une mère telle que la sienne, il pouvait être en proie à une si funeste passion. « Mais mon Dieu, » dit vivement Marie, « quel est donc cet homme qui semble connaître mon fils ? Mieux peut-être que je ne le connais moi-même. Cet homme, dont la pénétration m'effraie, car elle était encore plus loin, encore plus avant que vous ne pouvez penser. »« Cet homme, » répondit le docteur avec mélancolie, « cet homme a beaucoup souffert, beaucoup vu et beaucoup observé. Là est le secret de sa pénétration. » Madame Bastien se hâta de continuer sa lecture. Tu m'as dit, mon ami, que Frédéric était arrivé à ce que tu appelles un âge de transition. époque de la vie souvent critique et signalée par de graves perturbations physiques. Frédéric peut en effet être soumis à l'action de cette crise. S'il en est ainsi, le voici donc par son état inquiet, nerveux, impressionnable, très prédisposé à éprouver des sentiments d'autant plus puissants qu'ils sont nouveaux pour lui, et par cela même en dehors des prévisions de sa mère et de la salutaire influence qu'elle a jusqu'ici exercée sur lui. En effet, comment l'affection et la prudence de Madame Bastien pouvaient-elles le prémunir contre un danger que ni lui ni elle ne soupçonnaient? Non, non, pas plus que son fils. Elle ne devait s'attendre à ce brusque envahissement d'une passion violente et la conjurer à temps. Non, cette mère si éclairée n'a pas plus à se reprocher ce qui arrive aujourd'hui qu'elle n'aurait eu de reproche à se faire si son fils enfant avait été atteint de la rougeole ou adolescent d'une maladie de croissance. Il en est ainsi de cette accusation que Madame Bastien porte contre elle-même. J'ai failli en quelque chose à mes devoirs de mère, puisque je n'inspire pas à mon fils assez de confiance pour qu'il m'avoue ce qu'il ressent. Eh, mon Dieu! Je suis certain qu'avant ces tristes événements, jamais Frédéric n'avait manqué de confiance envers sa mère. Oh, jamais! Dit Marie en interrompant sa lecture. Jamais! Eh bien, n'êtes-vous pas de l'avis de mon ami? Demanda le docteur. Quant au peu de justice des reproches que vous vous adressez? Oui, reprit Madame Bastien, pensive. Je ne ferai pas de fausse modestie avec vous, bon docteur. J'ai la conscience d'avoir rigoureusement accompli ma tâche de mère. Il ne m'était pas humainement possible, je le reconnais, d'empêcher ou de prévenir le malheur qui m'accable dans mon fils. Est-ce que cela pouvait faire l'ombre d'un doute? Un mot, seulement, mon cher docteur, reprit Marie après quelques instants de silence. Votre ami a vu Frédéric quelques instants à peine, mais hélas, suffisamment pour s'entendre adresser de blessantes paroles. Qu'un esprit généreux n'ait qu'indulgence et compassion pour l'emportement d'un pauvre enfant malade, je le conçois. Mais entre ce bienveillant pardon, que jamais je n'oublierai, et l'intérêt profond, réfléchi, que votre ami montre pour Frédéric, il y a un abîme. Cet intérêt, qui a donc pu le mériter à mon fils? La fin de cette lettre vous le dira. Je puis cependant dès à présent vous mettre sur la voie. Mon ami a eu un frère beaucoup plus jeune que lui, et dont il a été uniquement chargé après la mort de leur père à tous deux. Mon ami aimait passionnément cet enfant. C'était la seule affection de sa vie studieuse et solitaire. Ce jeune frère avait l'âge de Frédéric. Comme lui, il était beau. Comme lui, il était noblement doué. Comme lui, enfin, il était idolâtré, non pas par une mère, mais par le plus tendre des frères. « Et qu'est-il devenu ?» demanda Marie avec intérêt, en voyant les traits du docteur s'assombrir. « Ce jeune frère, mon ami l'a perdu, voilà bientôt 6 ans. »« Ah, maintenant je comprends !» s'écria Marie. Les belles âmes seules, loin de s'aigrir par la douleur, deviennent plus tendres, plus compatissantes encore. « Vous dites vrai ?» répondit le docteur avec émotion. C'est une grande âme que celle de mon ami. De plus en plus pensive, Madame Bastien continua sa lecture. J'en suis presque certain. Avant ces tristes circonstances, jamais Frédéric n'avait manqué de confiance envers sa mère, parce qu'il n'avait rien de coupable à lui dissimuler. Aussi, plus il se montre à cette heure impénétrable, plus on doit craindre que le secret qu'il cache ne soit fâcheux. Maintenant que la maladie nous est connue, ainsi que tu dirais, mon ami, quels sont les moyens, les chances de guérison? Il faudrait avant tout connaître la cause de la haine de Frédéric, remonter jusqu'à la source de ce sentiment, pour le tarir, ou du moins pour en détourner le dangereux courant. Cet important secret, essaiera-t-on de le pénétrer? Essaiera-t-on de l'obtenir par la confiance? Hélas, il en est souvent de la confiance et de la défiance, ou plutôt de la non-confiance, ainsi que de ses premières impressions, d'où résultent des antipathies ou des sympathies invincibles. Frédéric aime tendrement sa mère. Il est pourtant resté sourd à ses prières. Il est donc presque certain maintenant que jamais il ne lui dira son funeste secret, soit par respect humain, soit pour ne pas compromettre le succès de sa vengeance, conséquence inévitable de la haine, lorsqu'elle est aussi opiniâtre, aussi énergique qu'elle paraît l'être chez Frédéric. En lisant ces mots, soulignés par Henri David dans le but de leur donner une plus grave signification, ces mots, hélas, trop justifiés par la scène de la forêt. Les mains de Madame Bastien frissonnèrent, et elle continua sa lecture d'une voix altérée. Il est donc à peu près démontré que Madame Bastien doit renoncer à l'espoir d'obtenir, par la confiance, le secret de son fils. Emploiera-t-elle la pénétration ? La pénétration, mélange de froid, d'observation, de dissimulation et de ruse, car pour surprendre un secret obstinément caché, il faut employer mille moyens détournés. Triste moyen que leur but seul peut faire absoudre. Ainsi, tu ne crains pas, mon ami, d'employer quelquefois de violents poisons pour la guérison de tes malades. Eh bien, penses-tu qu'une femme pénétrée de sa dignité maternelle veuille et puisse abaisser un pareil rôle, ou plutôt, une mère songe peu à sa dignité lorsqu'il s'agit du salut de son enfant. Crois-tu qu'une femme comme Madame Bastien ait, non la volonté, mais le pouvoir de jouer un rôle si complexe, si difficile, si contenu, un rôle qui exige tant de sang-froid et, je le répète, tant de dissimulation? Non, non, la pauvre mère pâlirait, rougirait, se trahirait à tout moment, et malgré sa résolution, elle hésiterait à chaque pas tenté dans cette voie souterraine, en sachant même que cette voie peut aboutir au salut de son fils. Madame Bastien baissa la tête avec accablement. Ses mains, qui tenaient la lettre, retombèrent sur ses genoux. Deux larmes coulèrent lentement de ses yeux fixes, alors voilés par la douleur. Elle dit en soupirant « Il n'est que trop vrai. Je reconnais mon impuissance. » « Je vous en supplie, ne vous désolez pas ainsi. » s'écria le docteur. Vous aurais-je, mon Dieu, apporté cette lettre, et d'ailleurs, mon ami l'eût-il écrite s'il n'avait cru trouver, et en effet trouver, je l'espère, le moyen de remédier aux périls, aux difficultés qu'il vous signale? Achevez, achevez de lire, je vous en conjure. » Marie secoua tristement la tête et poursuivit. Voici maintenant, selon moi, les deux seules parties à prendre par Madame Bastien, pour conjurer les maux dont elle s'alarme avec raison. Suivre et développer la sage pensée qu'elle avait eue de s'adjoindre un précepteur. Je m'explique. Il s'agirait, selon moi, bien moins d'intéresser pour le moment Frédéric à de nouvelles études que de lui enseigner des vérités pratiques, car il arrive une époque où la tendresse maternelle la plus éclairée est insuffisante pour la direction d'un fils. Il faut la science de la vie des hommes pour donner à un adolescent cette seconde éducation, cette éducation virile et forte, qui l'arme contre ses rudes épreuves, contre ses dangereux entraînements, dont une femme ne peut avoir l'expérience, et desquels il lui est donc bien difficile de sauvegarder son fils. Un père tendre et intelligent pourrait seul dignement accomplir cette tâche sacrée, mais puisqu'il paraît que les occupations de M. Bastien le retiennent toujours loin de chez lui, il faut à Frédéric un précepteur de science suffisante, mais avant tout homme de cœur, d'honneur et d'expérience. Un homme enfin qui comprenne l'importance presque redoutable de cette mission, façonner un adolescent à la vie de l'homme. Ce précepteur tel que je le conçois, tel qu'il le faudrait, éclairé des lumières que lui donnerait Madame Bastien sur le passé, aidé de l'influence qu'elle a dû, malgré tout, conserver sur son fils, un tel précepteur, à force de pénétration, de patiente étude, arriverait d'abord à connaître le secret de la haine de Frédéric, aiderait sa mère à combattre, à détruire cette haine dans le cœur de ce malheureux enfant, puis continuerait pour son éducation d'homme ce que Madame Bastien avait si admirablement commencé, car enfin, son fils ne lui a pour ainsi dire échappé qu'alors qu'il eût fallu, pour le conduire, la main ferme et expérimentée d'un homme au lieu de la main timide et délicate d'une femme. « Cela n'est que trop vrai, » dit Madame Bastien en s'interrompant. J'avais senti cette nécessité en pensant à donner un précepteur à mon fils, vous le savez, mon cher docteur. Désespéré de mon impuissance, je m'étais dit que peut-être ce précepteur, pris d'abord pour tâche de ranimer le goût de l'étude chez Frédéric, m'aiderait ensuite à le diriger, puisque mon mari ne peut ni ne veut s'occuper de son fils comme il le faudrait. Ce précepteur, vous le savez, était loin sans doute de réunir toutes les conditions que j'aurais désirées, mais il était suffisamment instruit, et surtout d'une patience, d'une douceur rare. Malheureusement, le mauvais vouloir, les emportements de mon fils l'ont rebuté. Maintenant, dans l'isolement où je vis, et s'il faut tout vous dire, limité à la modique somme que mon mari a consenti à grand peine à affecter à cette dépense, pourtant la plus importante de toutes, Où pourrais-je trouver un précepteur tel que le dépeint votre ami? Et d'ailleurs, comment le faire accepter par Frédéric dans l'état d'irritation où il se trouve? Et puis enfin, plus un précepteur aura conscience de sa valeur, de son dévouement et de sa dignité, moins il voudra s'exposer aux violences de mon fils. Hélas, vous le voyez, il faut renoncer à ce moyen, dont je reconnais cependant toute la valeur. » Et la jeune femme poursuivit sa lecture. Si Madame Bastien, par des motifs particuliers, ne désirait pas s'adjoindre à un précepteur, il lui reste une ressource qui peut-être ne guérira pas radicalement l'âme de Frédéric, mais qui du moins le distraira forcément de l'idée fixe dont il paraît dominé. Il faudrait que sa mère partît au plus tôt avec lui pour un long voyage. « Cette résolution de partir avec mon fils, » dit Marie en s'interrompant, « je l'avais prise. Ce soir, et au moment où vous êtes arrivés, je venais d'écrire à mon mari pour le prévenir de ma détermination. Ah, du moins, je ne me suis pas trompée cette fois, puisque sur ce point, je me trouve d'accord avec votre ami. Il me reste donc quelque espoir. » Oui, mais selon mon ami, et il a, je crois, parfaitement raison, un voyage n'est qu'un palliatif, ainsi que vous allez le voir. En effet, Madame Bastien lut ce qui suit. Je ne doute pas des bons effets momentanés d'un voyage sur l'esprit de Frédéric. D'abord, l'éloignement de l'objet de sa haine, puis l'aspect de lieux nouveaux, les mille incidents de la route, la présence continuelle de sa mère, distrairont nécessairement Frédéric de ses funestes pensées. L'en distrairont, mais malheureusement ne les détruiront pas. Pour me résumer, l'assistance d'un précepteur digne de cette mission doit mettre Madame Bastien à même de guérir Frédéric et de le préserver du retour des passions mauvaises. Un voyage peut améliorer la situation morale de Frédéric et permettre, chose très importante d'ailleurs, de gagner du temps. Un voyage, enfin, dépend absolument de la volonté de Madame Bastien et peut s'exécuter à l'instant. Il n'en est pas ainsi de la rencontre d'un précepteur. Je sais qu'il est difficile de trouver à l'instant un homme capable de comprendre cette mission, rendue plus difficile encore par la position exceptionnelle de Frédéric. Aussi, j'ai tellement conscience de ces difficultés que, si tu crois mon offre acceptable et avant tout convenable, je serais heureux de m'offrir à Madame Bastien pour être le précepteur de Frédéric. La stupeur de Marie fut si profonde qu'elle s'interrompit brusquement. Puis, croyant avoir mal lu, elle relut tout haut cette ligne comme pour bien s'assurer de sa réalité. « Je serais heureux de m'offrir à Madame Bastien pour être le précepteur de Frédéric. »« Oui, » dit le docteur avec émotion, « et s'il le dit, c'est que cela est. »« Pardon, docteur, » balbutia la jeune femme, presque étourdie de cet incident. « Pardon, mais le saisissement que me cause cette offre inattendue, incompréhensible ?»« Incompréhensible, non. » Quand vous saurez quel est celui qui vous fait cette offre, mieux que personne vous apprécierez le sentiment auquel il obéit. Mais enfin, docteur, sans me connaître... D'abord, il vous connaît. Car j'étais, je vous l'ai dit, très indiscret. Et puis, tout autre précepteur qui se proposerait vous connaîtrait-il davantage? Mais votre ami n'a jamais été précepteur. Jamais. Cependant, d'après sa lettre, ne le tenez-vous pas pour un homme d'un esprit juste, généreux, éclairé? Quant à son savoir, je peux vous le garantir, et il est rare en toute chose. Je vous l'ai dit, docteur, cette lettre montre une profonde connaissance de l'âme, une rare élévation de sentiments, et, par cela même, je ne puis comprendre qu'un homme si éminemment doué puisse se résoudre à accepter les fonctions de précepteur, toujours regardé comme si subalterne. Il croirait, lui, au contraire, faire preuve d'outrecuidance en acceptant, sans être capable de les remplir, ses fonctions, qu'il regarde avec raison comme un sacerdoce. Madame Bastien, en proie à une indéfinissable émotion, poursuivit sa lecture. « Cette proposition t'étonnera peut-être, mon ami, car je t'ai quitté hier soir afin de me rendre à Nantes où je dois m'embarquer pour une longue traversée. Puis je n'ai jamais été précepteur et ma position de fortune me permet de ne pas chercher une ressource dans ces fonctions. Enfin, Madame Bastien ne me connaît pas et je désire obtenir d'elle la plus grande preuve de confiance qu'elle puisse me donner, me laisser partager avec elle la direction de Frédéric. Ta première surprise passée, mon ami, tu te rappelleras que tout en tâchant de donner un but d'utilité à mes voyages, j'ai surtout cherché dans cette vie aventureuse une distraction aux regrets éternels que me cause la mort de mon pauvre jeune frère. Mon excursion au Sénégal peut d'ailleurs être ajournée sans dommage pour la cause que je désirais servir dans cette circonstance. Quant à ma capacité comme instituteur, je puis, tu le sais, offrir scientifiquement parlant toutes les sûretés désirables, quoique je n'ai jamais fait d'autre éducation que celle de mon bien-aimé Fernand. Maintenant, comment, en quelques heures de réflexion, me suis-je décidé à essayer la guérison morale de Frédéric si elle m'était confiée? Rien de plus extraordinaire pour qui ne me connaît pas, rien de plus simple pour toi qui me connais. Depuis la mort de Fernand, tous les enfants de son âge m'inspirent un intérêt indéfinissable. Aussi hier, à la vue de Frédéric, dont la rare beauté m'a d'autant plus frappé que l'expression de sa physionomie paraissait plus sombre, plus douloureuse, je me suis senti profondément ému. Puis, lorsqu'à certains indices, j'ai cru deviner les cruels sentiments de ce malheureux enfant, j'ai éprouvé pour lui une compassion sincère. Ce que tu m'as ensuite appris de l'admirable dévouement de Madame Bastien a porté mon intérêt à son comble, et en nous séparant, je te disais que cette fois encore, il m'était cruel de me résigner à une commisération stérile. Mais cette nuit, après avoir beaucoup songé à la gravité de l'état moral de Frédéric, aux alarmes toujours croissantes de sa mère, et enfin aux obstacles qu'elle aurait à vaincre pour arriver à la guérison de son fils, j'ai entrevu, je le crois, les moyens d'arriver à cette guérison, et cette guérison, j'offre de la tenter. Que mon apparente générosité ne te surprenne pas, mon ami. Selon moi, certaines infortunes obligent autant que certaines félicités. Je croirais rendre un pieux hommage à la mémoire de mon pauvre Fernand, en faisant pour Frédéric ce que j'avais espéré faire pour mon frère. Ce me serait à la fois la plus salutaire distraction, la plus douce consolation de mes chagrins. Voilà, mon ami, tout le secret de ma résolution. Maintenant, je suis certain qu'elle ne t'étonnera plus. Si mon offre est acceptée, j'accomplirai ma mission avec conscience. D'après ce que je sais de Madame Bastien, elle doit, il me semble, comprendre mieux que personne le motif de ma démarche. Aussi, en y réfléchissant, je crois que tu peux lui communiquer cette lettre, d'abord seulement écrite pour toi. Tu compléteras verbalement les renseignements que Madame Bastien pourra te demander sur moi. Tu sais toute ma vie. En un mot, dis ce que tu croiras devoir dire pour prouver à Madame Bastien que, surtout moralement, honorablement parlant, je suis digne de sa confiance. Réponds-moi à Nantes. Il est indispensable que j'aie, d'aujourd'hui en 8, une décision quelconque, car l'Endymion part le 14 courant, sauf les vents contraires. Il s'agit, pour Madame Bastien, de prendre une détermination très grave. Aussi ai-je désiré lui laisser un jour de réflexion de plus. En t'écrivant d'ici, ma lettre gagne ainsi près de 24 heures. Si mon offre est refusée, j'accomplirai mon voyage. La voiture repart. Adieu en hâte, mon bon Pierre. Je n'ai que le temps de fermer cette lettre et de te serrer la main. Henri David.